Section 62 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 14, deuxième partie. La Suède et la Norvège de 1250 à l'Union de Kalmar, par Émile Oman. Suède, les fêtes. En 1250, la mort d'Éric, le dernier des descendants directs d'Éric le Saint, fit passer la couronne à la dynastie nouvelle des Folkungs. Les Folkungs, qui se rattachaient par les femmes à la dynastie éteinte, avaient pour chef le comte Birger Brosa, le beau-frère du défunt roi, est l'homme le plus puissant du royaume, dont il était depuis longtemps déjà le vrai roi. C'est lui qui aurait dû monter sur le trône. Mais à la mort de son beau-frère, il se trouvait en Finlande. Elle et Grand en profitèrent pour élire son fils Valdemar. Birger n'en régna pas moins sous le nom de son fils, comme précédemment sous celui de son beau-frère, après s'être débarrassé de plusieurs rivaux de la maison des Folkungs. À sa mort, en 1261, il partagea ses domaines entre ses fils. La guerre civile en résulta et, dès 1279, Valdemar était détrôné par son frère aîné, Magnus Ladelais. Son règne, 1279-1290, est celui de son fils Birger, 1290-1306, présente exactement les mêmes épisodes que celui de Valdemar. Comme Birger Brosa, Magnus Ladelais eut à combattre des Folkungs révoltés. Comme Valdemar, Birger fut en butte aux entreprises de ses frères révoltés. Ceux-ci, Éric et Valdemar, se révoltèrent en 1304. En 1306, Birger se réconcilia avec eux en leur abandonnant la tête de son plus ferme défenseur, le régent Tyrgil Knutsson. Quelques années plus tard, en 1317, il prit sa revanche en faisant périr ses frères dans un guet-apens. Une révolte générale éclata et eut pour résultat l'avènement, en 1328, de Magnus, fils du duc Éric et déjà héritier, par sa mère, de la couronne de Norvège. Bien que peu estimé de ses sujets, à en juger par son surnom de Smek, l'efféminé, Magnus régna plus longtemps qu'aucun de ses prédécesseurs, et son règne ne fut pas sans éclat. Maître de la Norvège et de la Suède, il réalisa pour la première fois, par l'acquisition des provinces danoises en deçà du Sund, l'unité de la péninsule scandinave. Du golfe de Finlande aux fjords de la Norvège et au Sund, tout le nord lui appartenait. Mais il ne sut pas garder ses royaumes jusqu'au bout, pris entre les prétentions opposées des Norvégiens et du Suédois, ne pouvant résider dans l'un des deux pays sans éveiller les jalousies de l'autre, il dut se dépouiller de la plus grande partie de la Suède en faveur de son fils aîné, Éric, et de la Norvège en faveur du cadet, Hakon. Entré plus tard en lutte avec Éric, il vendit aux Danois, pour se procurer leur secours, la Scanie et les provinces adjacentes. Après une longue guerre civile, Hakon de Norvège resta le seul représentant des Folkungs, mais il ne réussit pas à se faire reconnaître des Suédois. Ils lui préférèrent un Allemand, fils d'une princesse suédoise, Albert de Mecklembourg, 1365. L'Union scandinave, rompue par cette élection, ne devait pas tarder à être rétablie, mais cette fois au profit du Danemark. Pendant toute cette période, l'histoire extérieure de la Suède est pauvre. Ses discordes intérieures l'empêchent de s'occuper des voisins. Avec le Danemark, elle est presque toujours en rapports hostiles, sans cependant jamais aller jusqu'à la guerre sérieuse. L'événement le plus important de ce côté est l'acquisition momentanée, sous Magnus Meck, de la Scanie et du Halland. Quant à la Norvège, le hasard d'une alliance de famille a bien fait qu'elle a été unie pendant un temps à la Suède, mais cette union n'a pu durer et n'a eu d'autre résultat que de préparer l'union de Kalmar. À l'est et au nord, les Suédois ont continué l'œuvre de conquête et de colonisation, commencée dans la période précédente. dans le nord, parcourue seulement par quelques tribus lapones, la conquête était facile. Il n'en était pas de même à l'est, en Finlande et en Carélie. De ce côté, les adversaires les plus sérieux des Suédois n'étaient pas les Finnois et les Caréliens, malgré la férocité dont les accusent les chroniques suédoises, mais les Russes de Novgorod. Ceux-ci étant orthodoxes, les Suédois les considéraient comme païens, aussi bien que les Finnois, mais ce prétendu paganisme des Russes n'était pas la cause principale des expéditions que la catholique Suède dirigeait contre eux. Le véritable motif en était que les Suédois, préludant à leur politique du XVIIe siècle, voulaient l'embouchure de la Neva pour se rendre maître du commerce de Novgorod. D'après les chroniques russes, il y aurait eu, dès 1256, une grande guerre entre les Suédois, les Finnois et les Allemands. Porte-glaive. D'une part, et de l'autre, les Novgorodiens commandés par Alexandre Nevski. Des brefs du pape mentionnent, à la même époque, des croisades contre les Caréliens. Un peu plus tard, pendant la minorité de Birger, le régent Tyrgil Knudsson fait campagne sur les bords du Ladoga. En 1292, les Russes prennent l'offensive et ravagent le Tavastland suédois. Les Suédois les repoussent, font de Viborg pour surveiller le fond du golfe de Finlande, puis Kekesholm, sur le Ladoga, et Landskrona, près de l'endroit où devait s'élever Saint-Pétersbourg. Quelques années plus tard, Kekesholm et Landskrona étaient pris par les Russes. La lutte continua pendant près d'un demi-siècle, sans autre incident notable que l'incendie d'Abo en 1318 et l'invasion de la Norvège septentrionale par les Russes au temps de l'Union de la Norvège et de la Suède, sous Magnus Smek. La paix d'Orjakovets en 1323 termina la guerre. Le cours de la Neva resta aux Russes. Les Suédois se maintinrent en Finlande, groupés autour d'Abo. Pendant cette même période, les rapports avec l'Allemagne ont été fréquents, presque toujours pacifiques. Il y eut de nombreuses alliances de famille entre les Folkungs et les maisons de Mecklembourg et de Holstein. Les mauvais rapports de cette dernière principauté avec le Danemark en faisaient déjà l'allié naturel de la Suède. D'autre part, les villes de la Hanse ont accaparé de bonne heure le commerce de la Suède, comme elles avaient accaparé celui du Danemark. Leur entrepôt était la ville, alors très importante, de Visby, dans l'île de Gotland. Du reste, dans toutes les villes de Suède, les Hanséates possédaient les mêmes privilèges et la même influence qu'en Danemark. Les rapports avec l'Europe occidentale et méridionale, si fréquents dans la période précédente, ont presque cessé. La Suède est cependant en relation avec Rome, avec quelques États italiens. On trouve des Vénitiens à la cour de Magnus Smek, et parfois aussi avec Paris, d'où les rois de Suède font venir des architectes, et où des Suédois vont suivre les cours de l'université. Suède, les institutions. La royauté passe en Suède à peu près par les mêmes phases qu'en Danemark. On ne sait au juste si elle est héréditaire ou élective. En fait, le roi est toujours choisi dans la même famille. Nous avons vu que les Folkungs se rattachaient à la dynastie précédente des Jinglings, mais le droit du fils aîné à la succession de son père n'est nullement établi. À la vérité, les rois ont bien tâché de le créer, en faisant sacrer de leur vivant leur fils aîné. Mais cette formalité a d'autant moins réussi à supprimer les compétitions que les cadets, toujours largement apanagés, étaient à l'avance munis de ressources nécessaires pour disputer la couronne à leur aîné. Nous avons vu que Birger Brosa avait partagé à sa mort la Suède entre ses fils. Le résultat du partage a été que le roi Valdemar n'a pu se maintenir contre son frère Magnus. Le même fait s'est reproduit après Magnus. Les frères de Birger ont chacun un duché. Ils font la guerre à leur aîné, qui finalement est obligé de laisser le trône à son neveu, Magnus Smek. Celui-ci sera de même obligé de partager ses états entre ses fils, Éric et Hakon. Les divisions de la famille royale ont singulièrement favorisé les progrès de l'aristocratie. Ils ont été les mêmes en Suède qu'en Danemark, avec cette différence qu'en Danemark, l'influence de la féodalité allemande se faisant sentir davantage, les rapports du roi et des nobles d'une part, des nobles et des paysans de l'autre, ont pris plutôt une forme définie. En Suède, comme en Danemark, on trouve de bonne heure deux catégories de nobles. D'une part, les nobles de service, les officiers de la cour du roi, de l'autre, les nobles qui descendent des anciens chefs de tribu et qui, par leur richesse et leur autorité, chacun dans son canton, font à leur gré les élections royales. Tel est, au XIVe siècle, ce beau Jönsson, qui possède presque toute la Finlande et une partie de la Suède, détient, engage de divers prêts, plus de la moitié des châteaux royaux et semble prêt à jouer, à l'égard des Folkungs, le rôle que ceux-ci avaient joué à l'égard de l'ancienne dynastie. Déjà, sous Magnus Meck, cette aristocratie remplit le conseil du roi, Konungsrad, qui devient peu à peu le conseil du royaume, Riksrad. Dépouille le roi de la réalité du pouvoir et dispose de la couronne même avant la mort de Magnus Meck. Le dernier roi de Suède, avant l'union de Kalmar, Albert de Mecklembourg, n'est guère que le président de ce conseil de nobles. Les progrès du clergé ont été presque aussi rapides. L'archevêque d'Uppsale, les évêques de Linköping, de Skara, etc., ont été de bonne heure de grands propriétaires. Nous les voyons au XIVe siècle siéger dans le conseil du royaume, occupés de grands offices. Mais à la différence de ce qui s'est passé en Danemark, ils ne sont pas entrés en lutte ouverte et violente contre le roi. Il semble que les Folkungs, Magnus Ladelaes en particulier, aient voulu s'appuyer sur le clergé pour contenir la noblesse. Les rois danois suivront exactement la même politique. Norvège. L'histoire de la Norvège, pendant toute cette période, ne présente pas de faits saillants. Après la défaite en Écosse et la mort de Hakon V, son fils Magnus, 1263-1280, fit la paix avec les Écossais au prix des îles conquises par son père, conclut avec les rois d'Angleterre des traités de commerce, s'efforça, à l'intérieur, de faire reconnaître et consacrer par le clergé les droits à la couronne des descendants de Harald Haarfagre, et, d'autre part, de régulariser les attributions du conseil royal, qui, comme en Danemark et en Suède, tendait à confisquer à son profit l'autorité royale. Magnus fut en même temps un législateur. C'est à lui que la Norvège dut l'abolition du duel judiciaire. Après lui, ses fils, Éric II et Hakon VI, usèrent leur autorité dans de longues luttes contre le clergé. Leur mort sans enfant fit passer la couronne aux Folkungs de Suède, à Magnus Smek, puis à son fils Hakon, enfin à Marguerite de Danemark en 1380. L'union des deux pays durera jusqu'en 1814. Fin de la section 62.